Mbote keseni, mbote bapesa kinga, navanda kinandako, ça je n'ai jamais vu. Pierre Lobinanga, tatana yo abeta kiyo. Papa qui s'agit pour Yonima, papa attention. N'avance la cola la terre, soukaya malili et salinga, Zotonanga et salim passé, Bobby Yanga Boula, Bangi Mobana. N'ako sala le lote. Chef ya compagnie, yebi sa Chantal Zali maladie, yambazi, mbote keseni, mbote bapesa kinga, na vanda kinga.